بسم الله الرحمن الرحيم نحن ما زلنا في دعاء الإمام محمد بن عبد الوهاب لبعض تلامذه ولمن سوف يستفيد من رسائله ودعوته. Donc on est toujours dans les invocations qu'a fait le noble imam Mohammed ibn Abdul Wahhab pour ses élèves et pour toute personne qui va profiter de ses écrits. Non. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. L'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, après avoir demandé que celui qui profite de ses écrits fasse partie des alliés d'Allah Azza wa Jal, et après avoir demandé que celui qui lit ses écrits soit une personne remplie de bien, une personne bénie, il demande là que cette personne soit une personne que si on lui donne, elle remercie. Si on lui donne, elle remercie. Wa shukri ya ikhwa. Asas kull khair. Asas kull khair. Le remerciement, c'est la base de tout le bien. Man la shukra lahu, la khaira fi. Celui qui n'a pas de remerciement, c'est-à-dire qui ne n'accorde pas au remerciement son importance, il n'a pas de bien. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. Celui qui n'a pas pour habitude de remercier les gens ne remerciera pas Allah عز وجل. وفي الحديث الآخر قال إذا صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا لهم حتى تروا أنكم قد كفأتموه. Si quelqu'un vous fait un quelconque bien, récompensez-le. Et dans la récompense, bien sûr, la récompense sous-entend le remerciement. Récompensez-le. Si vous ne trouvez pas de quoi le récompenser, alors invoquez pour lui jusqu'à ce que vous voyez que vous l'avez récompensé. Non. Fa yani kam min ayat Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuru fiha ash-shakirin. Combien de versets Allah subhanahu wa ta'ala il évoque ceux qui font preuve de reconnaissance, ceux qui remercient Allah azza wa jal. Fa shukr ibadatun jalila wa jaliya wa azima wa asasul ibadah ash-shukr. Et l'adoration en vérité, comme l'évoque Ibn al-Qayyim wa ghayruh, ils disent que l'adoration d'Allah Azza wa Jal, elle est basée sur le remerciement. بمعنى ما تعبده وانت مكره مكره مكره له ومكره على العبادة غير مطمئن بل تعبده وتشكره. نعم. على كل حال من وفق لشكر وفق لخير عظيم. قلنا هنا وهذا الذي ينبغي لكل إنسان أن يشكر ربه على ما أعطاه من النعم الكثيرة ويضاف مع ذلك شكر المخلوقات المحسنين إليه. Donc c'est véritablement ce qui convient à tout être humain, qu'il remercie Allah Azza wa Jal. Et le remerciement d'Allah Azza wa Jal, en vérité, il s'accomplit comment? En œuvrant dans son obéissance. فَمَنْ يَزْعُمْ أَنَّهُ يَشْكُرُ اللَّهُ وَهُوَ عَافٍ لَيْلًا وَنَهَارًا وَسِرًّا وَجَهَارًا فَهَذَا لَا يَشْكُرُ اللَّهُ حَقِيقَةً لَا يَشْكُرُ اللَّهُ أَعْتَاكَ اللَّهُ بَصَرًا Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la vue. فَشُكْرُ فِيهِ أَنْ تَنْظُرْ إِلَى الْحَلَالِ وَتَدَعْ عَنِ الْحَرَامِ. Le fait que tu remercies Allah sur la vue qu'il t'a donnée, c'est que tu observes les choses qui sont halal et que tu te détournes des choses qui sont haram. وكذلك سائر الأحواس. Et ceci est valable pour tous les sens, que ce soit l'ouïe, l'odorat, le toucher. وكل ما أعطاك الله أعطاك مالا فابذله في الخير. ووجوه الخير والبر لا تبذله في الضياع والمحرمات. Si Allah te donne de l'argent, dépense-le dans son sentier. Dépense-le dans les bonnes choses, dépense-le dans la piété. Mais ne le dépense pas dans les muharramat, dans les interdits d'Allah Azza wa Jal. Non. L'imam Ibn al-Qayyim, في كتابه العظيم مدارج السالكين الإمام ابن القيم dans son livre مدارج السالكين le sentier des itinérants qui est un livre qui a été traduit en français, c'est un livre qui est عظيم. ننصح كل من يقدر على شرائه بشرائه. Je conseille toute personne qui peut acheter ce livre là que ce soit en français ou en arabe, je lui conseille de l'acheter. Les sentiers des itinérants. C'est un livre yani azimul manfa'a wa azimul qadr. Il fait partie des meilleurs livres de l'imam Ibn al-Qayyim. Et comme tout livre, comme tout livre à l'exception du livre d'Allah, vous pouvez trouver des erreurs même dans le livre même dans ce livre-là. Donc on s'éloigne des erreurs et on prend les choses justes qui sont évoquées dans ce livre-là. Ça veut dire dans ce livre-là, Madar al-Salikin, يعني مخال يعني ملخصته أنه كتاب يعرفك عن نفسك. Madar al-Salikin, c'est un livre qui va te faire connaître ta propre personne. سمي الإمام ابن القيم طبيب القلوب. Le médecin des cœurs. Pourquoi? Parce qu'il arrive avec une éloquence incroyable, il arrive à te faire comprendre les maladies qui se trouvent dans ton propre cœur. Et il arrive à te donner des directives à suivre afin que chaque œuvre que tu fasses, tu mettes une intention. تتكلم مع زوجتك نية مع ولدك نية مع الناس في الشارع نية مع الناس يعني في أي مكان أنت فيه تجعل نيتك عالية. Et فعلا celui qui s'entraide, qui s'aide, a toujours placé une bonne intention dans toute chose, dans ce qu'il fait, il essaye de mettre une bonne intention. فعلا يحس بزيادة الإيمان ويحس ب مؤيد أو بتأييد الله له. Il ressent, lorsqu'il met son attention dans toute chose, il ressent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aide. Et c'était les œuvres qu'accomplissaient les salafs. قال معاذ بن جبل أحتسب نومي كما أحتسب قومتي. Je mets mon attention dans mon sommeil comme je mets mon attention dans mon réveil. نعم. على كل حال, ce livre là c'est un livre عظيم جدا, مدار السالكين. Celui qui peut l'acheter, qui l'achète. Et comme je vous ai dit, il y a des erreurs. C'est vrai que des fois, l'imam Ibn al-Qayyim, il peut pencher pour des manières et et des façons d'agir qui sont propres aux soufis. Donc certains paragraphes sont à prendre avec des pincettes. Dans un sens global, c'est un très bon livre. À la kulli hal, l'imam Ibn Qayyim, il dit dans ce livre-là, il dit que Al-Ashok mabni ala khams qawa'id. Le choc, le remerciement, il repose sur cinq bases. Le remerciement, il repose sur cinq bases. La première base, khudu' al-shakir lil mashkour. La première base, khudu' al-shakir lil mashkour. C'est l'humilité, le rabaissement qu'éprouve la personne face à l'être remercié. L'humilité, le rabaissement qu'éprouve la personne face à l'être remercier. Ça, c'est le premier rocle. Deuxième rocle, deuxième pilier, hubbuhu la. Hubbuhu la. Le fait d'aimer l'être remercié. Hubbuhu lahu. Aina ashtarayta hadha al-kitab ya hadha Muhammad al-Jami. Aina ashtarayta hadha akhi. جميل جدا. يعني كتبت هذا المرزمة واستفدت من هذه الرسالة كثيرا. ننصح celui qui peut acheter le شرح قواعد الأربعة de محمد الجامي qu'il l'achète. C'est un très très bon شرح. Et dedans, il y a des choses qui ne sont pas évoquées dans la plupart des chourouhs que j'ai pu lire. Celui qui peut acheter ce livre-là, il l'achète. Ala kulli hal, donc le premier pilier, khudu' al-shakir lil-mashkour. Wa thani, hubbuhu lah. Wa thalith, i'tirafuhu bi ni'matih. C'est-à-dire le fait de reconnaître son bienfait. Le fait de reconnaître son bienfait. ورابعا وثناؤه عليه بها. Le fait de faire son éloge avec ce bienfait. Quelqu'un te fait du khair, si tu n'arrives pas à le récompenser, alors au moins, au minimum, évoque-le en bien. Évoque-le en bien. Et c'est venu dans un hadith. C'est venu dans un hadith authentique que celui qui n'arrive pas à récompenser la personne, qu'il l'évoque ou qu'il passe son éloge. Donc là, on a dit, ça fait combien de piliers là? Arba'a. Baqi wahid. An la yasta'milaha fima yakrah. An la yasta'milaha fima yakrah. Qu'il n'utilise pas cette chose-là qu'on lui a donnée dans ce qui va au contraire de ce que aime le donateur. La yastamilaha, an la yastamilaha fima yakrah. An la yastamilaha fima yakrah. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim dit: Fahadi al-Khamsa, hiya asasu al-shukr. Wa bina'uhu alayha. Famata udima minha. واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة سبحان الله أو قاعدة. Il dit, Donc, ceci sont les bases du remerciement. Ces cinq choses-là sont les bases du remerciement. S'il y a un de ces piliers qui vient à manquer, alors effectivement, le remerciement, il sera bancal. Il sera pas parfait. S'il y a un de ces piliers qui vient à manquer, alors le remerciement ne sera pas parfait, mais il sera bancal. Donc ça, c'est une faïda dans Madaris Salikin. أخانا أبا عبد الرحمن، الفرق بين الحمد والشكر ما هو؟ هو بعد الفرق بين الحمد والشكر c'est quoi la différence entre الحمد والشكر الحمد الثناء والشكر ما هو؟ Mais c'est pas mal déjà, t'as déjà évoqué quelque chose de yani, comme quoi le hamd c'est athana. Tamam. Alhamd, c'est pas uniquement pour Allah. Alhamd c'est uniquement pour Allah? Là. Là, ça casse. Même si tu pourrais dire كما قيل أن الحمد لما تقول الحمد لله رب العالمين الحمد للتمليك يعني toute la louange n'est autre que pour Allah. جميل. Ça pourrait être un ouais, mais c'est déjà venu dans des paroles des Arabes comme quoi tu peux tourner le hamd pour autre que Allah Azza wa Jalla. هذا هو هذا هو نعم طيب دونك vous allez noter فائدة quelle est la différence entre الحمد والشكر الحمد C'est l'éloge fait avec la langue. C'est l'éloge fait avec la langue. C'est l'éloge fait avec la langue. Que ceci concerne un bienfait ou non. Que ceci concerne un bienfait ou non. Et tandis que le choukr, c'est un remerciement. C'est une éloge, c'est des éloges qui sont faits que lors de la venue d'un bienfait. Et il s'accomplit par le cœur, par la langue et par les membres. Et ça compris par le cœur, par la langue et par les mots. Tamam? Taïeb. Vous avez compris la différence. Lorsque tu dis Alhamd, tu vas le dire même si il n'y a pas de bienfait qui t'a touché. Par exemple, Alhamdulillah ala kulli hal. Tu es en prison, tu dis Alhamdulillah ala kulli hal. أنت مريض، أنت مريض، تقول الحمد لله على كل حال. تمام؟ Tandis que choukr, ça touche que les choses, que les bienfaits. Ça touche que les bienfaits. T'as vu? Mais c'est accompli par quoi? Par le cœur, par la langue et par les membres. Tandis que la louange, c'est que par la langue. Tamam? Donc c'est lequel des deux qui est le plus global? Un choukr, il est plus global que le hamd. Non. Ah voilà, Jamil, vous avez tous les deux juste. C'est-à-dire, la louange, elle est plus globale que le remerciement, du point de vue où la louange, elle concerne les bienfaits et autres. Ça va? Mais le remerciement, il est plus global que la louange, du point de vue qu'il s'accomplit par le cœur, par la langue, par les membres. Tandis que le hamd, c'est que par la langue. Même si on marche un peu lentement dans le but.